Leçon 2. Document 1, page 52. Mademoiselle Gravier, je voudrais vous inviter. Ce serait avec plaisir, monsieur Foucault. Mais quand ? Eh bien, samedi, j'organise une petite fête pour les 50 ans de mariage de mes parents. Vous pourriez venir ? Oh, je suis désolée. Samedi soir, je garde les 3 enfants de ma sœur, alors ce sera impossible. C'est dommage. Et lundi soir, ça vous dirait d'aller à la fête du cinéma ? On pourrait voir 3 films pour le prix d'un seul. Ah, je regrette, mais le lundi, c'est une soirée très chargée pour moi. Je finis à 18h30, puis j'ai mon cours d'informatique, et ensuite, je fais 2 heures de natation. Ah bah oui, je comprends. Mais j'aimerais vraiment passer une soirée avec vous. Moi aussi, ça me ferait plaisir. Mais c'est un peu difficile. Et la fête foraine ? Ça serait sympa, non ? Le mercredi soir, il y a des réductions. Je suis désolée de refuser encore, mais ça me donne mal à la tête à cause de la musique et du bruit. Et vous seriez libre jeudi soir ? Je ne sais pas. Normalement, je fais mon ménage. Jeudi soir, c'est la fête du Beaujolais nouveau. On pourrait aller dans un bar avec tous les collègues du bureau. Ah, c'est une excellente idée. Je vais le dire à tout le monde. Et votre ménage ? Je le ferai vendredi.